Espagne, comment tu te sens face à ça? J'aime bien ça. Par contre, pour les prochains spectacles, c'est pas elle qui va venir jouer. Ah non. Elle est remplacée par un gars là, que j'ai trouvé par l'intervenance de d'autres musiciens. Là, mais il est super fin, il est super bon. Là. C'est Jean-Benoît Lemire qui va être au clavier. OK. Puis mon batteur s'est cassé le poignet, fait que ce sera pas lui qui va être au drum, mais ça va être Perry Angelio qui a fait les quatre premiers albums de Red Sun. Ben oui, je me souviens de son nom. Ouais. Donc lui, il revient au bercail. Ouais, il revient au bercail. Et au chant, c'est... C'est toujours Stéphane. Stéphane. À la basse, c'est André. Là. André, c'est, ça fait deux, trois ans qu'on joue ensemble là, à la basse. OK. Puis il a remplacé Mathieu. Mathieu ouais. était longtemps avec toi. Il était une dizaine d'années avec moi. Ouais. On avait des chemins différents un petit peu. Fait que, Ah, ben, c'est des choses qui arrivent c'est ça. Après une dizaine d'années. Exact. Puis la distribution des œuvres, parce que c'est plus tellement comme c'était. Hein. Si non. on remonte à 2004, là, chez Archambault, il y avait beaucoup de disques, puis il y avait une section de progressif. Oui. Là, maintenant, on parle de téléchargement. Ça nous tue. Oui. Ça tue énormément d'artistes. Écoute, moi, je me rappelle, quand j'avais sorti Gentry, j'avais imprimé 3000 copies et j'avais pas eu misère à les vendre. J'en avais réimprimé 1000 autres. Je les ai pas toutes encore vendues, mais quand même, j'étais content. Mais à cette heure, quand j'en imprime un 1500 puis c'est vendu, je suis vraiment content. Si tu vois la drop qu'on a eue. Là. Puis il y en a qui utilisent les plateformes électroniques. Là, de... ouais. Puis écoute, je retrouve mes pochettes sur Google. J'ai rien qu'à taper, puis j'ai rien qu'à imprimer les pochettes, puis j'ai rien qu'à imprimer tout le CD, puis je l'ai. Là. Bon, c'est les clés en main. Là. Mais toi, est-ce que tu en vends comme ça, de ah, cette oui. façon-là? Oui. Ben non, moi j'en vends des copies vrais... physiques. Exact. Mais si tu peux aller sur mon site, j'ai des copies digitales. Que je vends. OK, ben, c'est assez ma question. Exact. Parce que de plus en plus, les groupes comptent là-dessus. On n'a pas le choix. Même qu'il y en a qui c'est exclusivement comme ça. Ouais. Puis le vinyle, pour toi, parce que ça revient beaucoup en mode, il y en a même en Europe, là, comme en Norvège, là, le CD se vend à peu près plus. Je sais. Ils vendent en vinyle seulement, puis c'est une grosse folie. D'ailleurs, quand les musiciens viennent jouer ici, là, entre autres au Festival Terra Incognita, c'est beaucoup de vinyle. Ben c'est que après ça on les retrouve dans les magasins de vinyle puis ils repartent avec des grosses piles. Ils sont très amateurs de vinyle. Moi, ben le problème là-dedans c'est que c'est très très très très dispendieux. Du J'imagine. Oui. C'est ça a pas de sens. Parce que dans les magasins ça se vend une fortune. Là, ouais. Ben écoute, honnêtement pour en, mettons j'en ferais un 500 copies, ouais. Ça coûte mettons 3 500. Fallait j'y vendrais quasiment 35-40 pièces pour faire du profit avec. Ben c'est à peu près ce que ça se vend dans les magasins, là. Ça joue dans les 40. Mais est-ce que je vais les vendre, mes 500? Bonne c'est question. Ça. Hein. C'est ça. Donc, on va se faire une idée avec une première pièce qui s'appelle c'est Forsaken, partie 2. Oui. Follow my hand to mine. I don't listen. You talk about me, but I can see your scared eyes. I can touch your forgotten void. You were always. Drop like a kind of black flies, something that trusts my heart. Kind of blindly, signs in shine. Goodbye, candle sign. Somewhere in your mind, I'm kindly nailed. Here lies white lies. Don't forget all the songs inside. something in the wind about you. The only person in the dark. I'm lost without your smile, but they're always be there round the clock. We'll take fate through the capsule into you. The strange breeze on the night. The shadow over the see this sympathy, kissing a mirror. record. Pouring flowers, a deep little plane. Every day is fake. A life for your child. Look at you in the mirror of crimes. You can't keep me. Donc, c'est le nouvel album de Red Sun qui s'appelle Forsaken, et ce qu'on a entendu, c'est Forsaken Part 2. Et on peut dire, l'impression que ça me donne, c'est que c'est un petit peu plus rock. Il y a des bouts plus rock, puis il y a des bouts plus comme les premiers albums un peu Blame ou tout ça, mais les structures, ouais, peuvent changer complètement d'un 360 à un moment donné, exactement. Et ben oui, c'est ça. On entendait des bruits de téléphone à un moment donné. On se demandait à Régis Coudon, il y a un nouveau sort de téléphone quoi. qu'on connaissait pas. Et juste avant de passer aux publicités, on a entendu le groupe finlandais Overhead. Ça vient du CD sampler de Progressist numéro 95. Il y aura d'autres extraits plus tard qui viennent du site de Progressist. Et on va tout de suite en publicité et on vous revient par la suite pour l'entrevue. 89.1. CKRL tient à souligner la générosité des entreprises et des artistes locaux qui ont contribué généreusement à l'Encan et qui ont fait de notre Radioton un succès sur toute la ligne. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les. Disponible pour Android et iPhone. Du 6 au 14 avril prochain, vivez l'expérience du 32e Festival Québec BD. Présenté sous le thème « De la création à la rencontre », le Festival Québec BD vous offre une multitude d'expositions, de spectacles et d'activités aux quatre coins de la ville. C'est un rendez-vous avec le 9e art. Donc, on est de retour avec Simon Caron pour la suite de l'entrevue. Simon, le Red Sun a eu l'occasion, en fait, depuis plusieurs années, là, de présenter des spectacles en dehors de nos frontières. Tu es allé assez souvent aux États-Unis, oui, je pense. Oui, aux États-Unis, oui. Puis, tu as visité l'Europe aussi avec ton groupe. Oui, on est allé au Hard Rock Festival en 2017, puis là, on y retourne en 2019. Puis là, ce qui est popé, l'organisateur là-bas veut filmer le show professionnel avec plusieurs caméras, puis il veut bourrer, mettre le paquet. Fait que ça, on est bien content. Même que tu me disais tantôt, quand tu es arrivé, que c'est pour très bientôt là, en Europe. Là. Ben, c'est vendredi. vendredi que ça en dans vient. Moins d'une semaine. Oui, dans moins d'une semaine. Dans moins d'une semaine, tu vas être en Europe. Oui. Puis ça, est-ce que c'est dans le cadre d'un festival? Oui, ouais, c'est le Hard Rock Festival. Ah, c'est ça que tu me parlais, le Hard Rock Festival. Hard Rock Festival, il va y avoir Mystery qui vont être là. Il va y avoir IQ, Arena, RPWL. Oh, il va quand même avoir des gros noms. Là. Belle brochette. Une belle brochette, exact. C'est ça, Mystery, on en parle souvent ici à l'émission, on fait jouer leur musique. Oui. Puis, on les a vus d'ailleurs récemment à Québec. Il y a peut-être un beau succès là-bas. Oui, absolument. Puis, c'est bien mérité. Là. Ouais. Oui, ils sont bien aimés. J'ai jasé avec Michel Saint-Père. Là, puis... Mais c'est ça, lui, il regrettait un peu, puis peut-être que tu vis un peu la même chose. C'est que il dit là-bas, il dit on est en demande beaucoup, puis il dit on arrive au Québec, puis on a de la misère à remplir nos salles. C'est la même chose. Écoute, quand on a joué au Hard Rock Festival la dernière fois, il y avait près de 1000 personnes, puis ça criait, on n'avait jamais vu ça, on était un. Puis là. Quand on a fini une pièce, ça criait dans la salle. Fait que là, on se disait, là, ben, je me rappelle les paroles du batteur, c'est Luc, là, il avait dit. Il dit, excuse-moi, je vais le dire demain. Il me dit, asti, man, on va revenir ici en tête d'affiche, ça n'a pas d'allure. Mais effectivement, là, on retourne encore. On est les avant-derniers à jouer dans la soirée de vendredi. Puis le show va être filmé en entièreté, professionnellement parlant. Fait que c'est pas pareil. L'accueil n'est pas pareil. À Québec, on a de la misère à vendre des tickets. C'est tout le temps la même chose. On fait des efforts, mais à un moment donné, on en fera peut-être plus d'efforts. Je veux dire, c'est se battre pour vendre des billets, là. On aime mieux aller jouer ailleurs qu'il y a 1000 personnes qui viennent nous accueillir que de se battre pour vendre 100 billets. Puis ils vous connaissent, ils vous attendent. Ouais. Puis, ben oui. Puis ils achètent vos disques. Oui, absolument. Donc vous avez un très bel accueil en Europe. Oui. Et puis, il y a d'autres groupes aussi, comme Amadriade avait eu un bon succès aussi. Exactement. En Europe. Mais est-ce que tu sens que la marque québécoise, comme nous autres ici, ben moi, personnellement, j'aime beaucoup le prog norvégien puis suédois. Là. Oui. Il y en a qui jurent seulement par les Italiens. Mais je est-ce sais. Que la marque québécoise là-bas est... est forte. Bien, je pense qu'on a un son... Tu sais, comme nous, on est beaucoup comparé à Marilyn, je pense que les Européens adorent ce son-là. Tu sais, Mystery, peut-être plus Sago ou ça, mais ces gens-là aiment ces sons-là. Fait que, tu sais, on vient comme leur redonner ce qu'ils n'entendent plus depuis des années. Et ici, on dirait qu'il y a une autre polémique. On dirait que c'est différent, un petit peu comme les Américains. Plus la musique est fuckée, mieux c'est, je sais pas trop, c'est bizarre. Moi, j'aime ça de mélodie. J'aime mieux composer des airs mélodieux. J'enlève rien au band là, qui sonne la tonne de briques parce que ça performe à fond de train, mais je pense que le côté européen est plus mélodieux, je te dirais. Je pense que c'est ça. C'est là qu'on va les toucher. Ouais. Mais un n'empêche pas l'autre. Ah non, ben non. On n'est pas obligé de manger toujours la même chose. Non, exactement. C'est ça. Exact. Tu sais, comme moi, là, tu parles de la musique un peu fuckée. Moi, quand j'étais adolescent, j'ai découvert Vandergraft Generator, que tu as connu parce que tu as fait la première partie. J'ai fait la première partie au Palais Montcalm. Moi, j'ai toujours souvenir que j'avais oublié de brancher mon ampli. J'avais oublié d'ouvrir mon ampli. Là. J'ai commencé le show, j'étais là, hey, j'ai pas de son. Puis là, je me suis reviré, puis j'ai dit, il va peser sur le power, ça va mieux aller. As-tu l'occasion de parler un petit peu avec les gens de Vandergraft? Écoute, ils sont chacun dans leur loge. Je sais que j'avais parlé un petit peu avec Peter Hamill. C'était super fin, là. C'est relax, c'est pas stressé, ce monsieur-là, c'est sûr. Le seul souvenir que j'ai de ce spectacle-là, c'était le tech de son du guitare de Peter Hamill, là, qui était pas sympathique. Ah non. Ouais. Bon, mais le reste était super friendly, là. Super fin. Il y en a toujours un petit peu comme ça. Ouais, exact. Puis, pour ce qui est de Pendragon, on a jasé un peu parce que tu as fait deux fois la première partie, en oui. fait, les deux dernières tournées. Oui. Tu as eu l'occasion, je pense, de fraterniser un petit peu avec l'entourage là, de Nick Barrett. Oui, absolument. Super fin. Là. Sa femme... Moi, j'ai parlé beaucoup avec Rachel, là, Rachel Wise. Puis ce qui est le fun, la dernière fois qu'on a joué, elle a dit, le combiné Pendragon-Red Sand, il est parfait. Fait que ça, j'étais là, wow. Elle m'avait dit, elle dit, faudrait qu'on se retrouve pour jouer ensemble à d'autres endroits. Fait que j'ai dit, bon, la porte est ouverte, on verra. Je sais pas si c'est facile demain, je pense pas. Mais regarde, on sait jamais, on va se croiser les doigts. Ben, si ça se passe bien en Europe, pourquoi pas? Pourquoi pas, exact. Ça serait bien plaisant. Mais ben comme oui. gars, Nick Barrett, as-tu eu l'occasion de le côtoyer un peu? Puis... Oui, moi, j'ai pas eu de problème avec Nick. J'avais même prêté deux guitares pour cette soirée-là. J'avais passé une Takamine, ma petite Santa Fe, la petite guitare qu'il jouait avec, puis elle sonne vraiment bien. Puis il avait adoré. Puis j'avais passé une 12 cordes à Peter Guy là, pour qu'il fasse leur setup acoustique. Là. Ah oui? Ouais, ouais. Ah donc c'était tes guitares? C'était mes guitares. Ouais. Ouais, évidemment, il ne traîne pas tout ça. Non. Mais quoi que Nick Barrett, sa Stratocaster, ça fait plusieurs fois que je le vois avec la ouais, même. Oui, ça, c'est la sienne. Ouais. Mais des fois, acoustique, t'es mieux de dire, comme moi, là, demain, je vais faire quelques pièces acoustiques, mais en Allemagne, j'ai pas le temps de les faire. Mais je n'aurais pas apporté de guitare acoustique, j'aurais dû prêter mon guitare acoustique. Mais ma guitare électrique, j'aime mieux traîner la mienne. Elle est plus personnelle, c'est plus personnel. Oui. Ouais, quand tu veux blinder un solo ou faire de quoi, t'es mieux avec ta guitare. Puis, demain, au Centre d'art La Chapelle, les gens vont s'attendre à quoi? C'est sûr qu'on va faire trois nouvelles pièces du nouvel album, puis des vieilles pièces de Gentry, Mirror of Insanity, puis quelques pièces acoustiques de Human Trafficking. Ouais. C'était mon album préféré, Human Trafficking. C'est toujours été mon album préféré. Fait que j'ai demandé à Stéphane s'il voulait en faire quelques-unes acoustiquement parlant, voix et guitare, puis il m'a dit oui, puis on va en faire quelques-unes. OK. Puis, on va entendre une pièce, en fait, qui est la dernière, celle qui clôt l'album, qui s'appelle ouais. Afraid of Tears. Ouais. Donc, on écoute ça à l'instant. Wake up and see the snow in the sky. Welcome and have fun. That heals my soul.

Et c'était Frank Carducci. Et c'est un single, ça. Et on retrouve ça sur la compilation Progressiste numéro 95. Et juste avant, c'était le groupe... en fait, on vient de recevoir ça, disons, de façon électronique. Là, c'est le groupe Atlas Empire. Et ben, j'avais quelques petites notes de ce groupe-là. C'est un groupe de Glasgow. Puis jusqu'à maintenant, ils ont 3 EP. Puis c'est leur premier vrai album. Et ça s'appelle... C'est un grand titre. « The Stratosphere Beneath Our Feet ». C'est bon. Eh bien, on retrouve un petit peu toutes sortes de choses là-dessus. Par bout, mais ça me fait penser à Anathema. Oui, oui, effectivement. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a une chanteuse aussi là-dedans. Et bien, ils sont en tournée canadienne du 10 au 20 avril. Et le 19, ils sont à Montréal, à la Brasserie Beaubien. Donc, si vous êtes de Montréal, ben, ça vaut peut-être la peine de faire une belle petite découverte. Et toi, en ce qui te concerne, tantôt, on parlait un petit peu des groupes de cover. Là. Ouais. Puis, c'est ça, moi, j'étais un petit peu d'accord avec toi. Oui, c'est bien beau des covers de Genesis ou de bien d'autres choses, mais il me semble découvrir un groupe original, il me semble que ça devrait... Ben moi, oui. En ce qui me concerne, c'est une priorité. On vient de voir Frost là, avec Mystery. Ça, c'est un beau doublé. Là. Ben oui. T'es bien mieux d'aller voir ça que de payer pour aller voir... Ben, tu sais, j'ai rien contre Musical Box, c'est excellent, c'est bien fait, mais à un moment donné, ça devient redondant, puis c'est... C'est intéressant. Et quand tu l'as vu beaucoup. Une fois ou deux... On parlait de Caméra High, qui font un hommage à Roche. Ah, je l'ai vu, puis je trouve ça super bon. Là. Ben oui. Mathieu Gosselin est très bon. Ben oui. Tout le monde est bien bon. En fait, on a vu Jurassic Rock aussi dernièrement avec le guitariste de Voivode. Ben c'est tout très bon, mais moi, ma priorité, c'est plus de voir des groupes de musique originale. Oui, absolument. Moi, j'ai toujours été en faveur de ça. J'ai fait un album, d'ailleurs, qui s'appelait Music for Sharks, puis j'en parlais un petit peu. J'ai rien contre les bandes d'hommage. Mais tabarouette, c'est dommage justement de ne pas donner chance aux nouveaux bands, aux nouveaux sons qu'on fait. C'est comme Mystery, Red Sand, il y en a plein d'autres. On fait du stock aussi intéressant que les Européens ou partout, mais on a plus de misère à tirer ici. Justement, je me suis replongé là-dedans hier, puis Music for Shock, je regardais le petit texte que tu avais écrit, où ce qui est question là, des justement les requins, c'est les requins de l'industrie du disque. Est-ce que tu endosses toujours le point de vue de l'époque? Oui, mais je pense que ces gens-là aujourd'hui en payent le gros prix parce qu'il y a tellement de téléchargements qu'eux autres même font plus d'argent. Mais dans le cas de Red Sand, tu as toujours été quand même indépendant. Toi. Oui, j'ai toujours été indépendant. Par contre, je peux pas parler de certaines choses. Ça me mettrait dans l'eau chaude. Ah, ben oui. Ça, je peux pas parler. Regardez ça pour moi. Et pour ce qui est des critiques, on parlait tantôt que des fois, il y a des critiques qui sont un petit peu acerbes. Là. Ce qui est drôle, à un moment donné, je me rappelle pas quel album j'avais sorti. Ben, il était pas sorti. Écoute, j'avais déjà des critiques négatives, puis 10 n'étaient même pas encore sorti. J'avais trouvé ça bien drôle. J'ai dit, tabarouette, il y en a qui veulent m'arracher la tête. Ah, il y en a qui prennent pas de chance. Ils sont pris de l'avance. On va être sûr de le détester. On va le layer comme il faut, même le CD n'était pas sorti. Et pour ce qui est des autres groupes, on a eu l'occasion de jaser un petit peu, mais on sait que tu es un grand fan de Marillion. Oui, c'est Marillion. Puis tu vois, Marillion, j'avais pris du recul sur eux autres avec Steve Hogarth. J'avais aimé quelques albums, mais ma fille, on a commandé l'année passée la tournée de Fear au Royal Albert Hall. Oui. Puis c'est là que j'ai appris à redécouvrir Marillion. Ce show-là est incroyable. J'ai rarement vu un beau spectacle comme ça. Je l'ai écouté à répétition. Puis c'est là que j'ai appris à redécouvrir Marillion. Tu vois, l'album Fear est mon album préféré à vie. Oui. Avec Steve Hogarth, c'est mon album à vie. Ouais. Moi, je me souviens d'avoir vu Marble, alors que l'album n'était pratiquement pas sorti ici. Là. On avait eu une copie de promotion que j'avais eu à peine le temps d'écouter. Là. OK. Puis j'avais trouvé que c'était un spectacle magique. Là. Ben oui, exactement. Fait que, tu sais, j'ai comme un peu de regret d'avoir délaissé un petit peu le band à cause de... Je sais pas, je trouvais qu'il était, à un moment donné, il était rendu des disques bizarres, là, comme .com, des affaires comme ça. Ouais. Mais là, avec Fear, ils ont complètement... Chapeau. Ben, on va aller en pause, ouais. Pause publicitaire, et on revient après ça avec une sélection. Puis Simon, ben, tu restes avec nous autres, on va continuer à jaser musique. Oh oui, y a pas de trouble, ça me fait plaisir. Du 6 au 14 avril prochain, vivez l'expérience du 32e Festival Québec BD. Présenté sous le thème « De la création à la rencontre », le Festival Québec BD vous offre une multitude d'expositions, de spectacles et d'activités aux quatre coins de la ville. C'est un rendez-vous avec le 9e art. 89 heures. Ici mon oncle Serge, pas de mensonge sur la marchandise. Sur mon dernier album Réchauffé, je propose ben, du réchauffé, c'est-à-dire des réenregistrements de tunes que j'ai déjà fait pareil. Il y a des tunes sur le Colonel Sanders, le Lac Saint-Jean, les punks, le pape, tout ça resservi dans une sauce brune à saveur punk rock. L'album Réchauffé, parce que comme du pâté chinois, mon oncle Serge, c'est encore meilleur réchauffé. Vous aimez les romans historiques, alors que vos amis préfèrent la science-fiction et d'autres ne jurent que par les essais et la littérature québécoise? Venez rencontrer vos auteurs préférés. Sous la présidence d'honneur de Yasmina Kadra, ils sont plus de 1200 et vous invitent au Centre des congrès de Québec. Le Salon international du livre de Québec, du 10 au 14 avril. Bien, on est de retour. En fait, les pauses sont pas tellement longues. C'est une minute de publicité. Mais là, on va parler de Fabio Zuffanti. Mais tu me disais que tu aurais beaucoup aimé voir... voyons. Finistère. Des fois, j'ai un blanc comme ça. C'est large. Il n'y a pas de trouble. Et ben oui, Finistère qui sera au Festival Terra Incognita, en fait, qui va fermer le dimanche. Là. Mais Fabio Zuffanti, il fait toutes sortes de choses. Puis là, il vient de sortir un album solo là, qui... En fait, je viens juste de l'avoir. En fait, on va découvrir ça ensemble parce que oui. Michel m'a apporté ça. Il était à 4h30. J'adore Finistère en passant. Très bon band. Je ne sais pas si tu savais qu'ils réenregistraient leur premier album. Non, je ne savais pas. Il y en a qui disaient que le son était bizarre. Je ne trouve pas si mauvais que ça, mais c'est sûr qu'il manque un petit peu d'être là. Mais ils réenregistrent. Oh. Puis, ils vont nous emmener ça pour le festival. Ah, ça, c'est une belle nouvelle pour Michel, en plus. Ben oui, ça va être ben intéressant. Oui, je comprends. Puis, mais ce nouvel album, là, c'est avec des collaborateurs. Ça s'appelle In Out. Okay. On va en entendre un extrait. Comme je disais, on va découvrir ça ensemble. Et il y a aussi une nouvelle pièce de Jellyfish qui s'appelle Eau Bleue. Et pour l'instant, c'est un single, c'est juste une pièce. C'est un retour de Jellyfish. Ben oui, parce que Sid Bédard, ben, il est comme nous autres, hein. Faut qu'il paye son épicerie. Il faut qu'il fasse d'autres choses que du prog pour gagner sa vie. Ben, c'est ça qui est un peu malheureux. Hein. Ouais. Parce qu'il adore Jellyfish, il aime ça. Puis, mais je pensais pas qu'il en ferait un autre. En fait, une belle surprise. Parce qu'il fait un peu toutes sortes de choses. D'ailleurs, il est avec CCR, le hommage à CCR, là, je pense que c'était à Gatineau là, ce soir. Okay. Et la dernière fois qu'il était venu à Québec, j'avais jasé avec lui, puis il parlait pas d'un retour de Jellyfish. Ben, probablement que c'était dans l'air, mais qu'il voulait pas. Ou à un moment donné, en tant que musicien, comme moi, Money Red Sand, j'ai dit bah, j'arrête ça là, je t'en ai, puis la piqûre m'a pas, il faut que je refasse d'autres choses. Ça peut arriver. Donc, on va entendre un extrait du nouvel album qui s'appelle In Out de Fabio Zuffanti. On va entendre la pièce Faisé ou No. Ce sera suivi de la nouvelle pièce de Jellyfish qui s'appelle Eau Bleue. Et on terminera le bloc avec Iris Pluvia. On en reparle un peu plus tard. fatto male, non mi dovevi svegliare. Ora è successo, non farmi pensare. Non voglio vedere, non devo sapere. Non voglio vedere, non devo sapere. Hai fatto male, non mi dovevi svegliare. Ora è successo, non farmi pensare. Non voglio vedere, non devo sapere. Non voglio vedere, non devo sapere. Emozione. Avec toi, je déploie mes voiles. eau bleue. Je suis témoin de tes voeux. Se fondent la mer et les cieux. Ondulant surface se allège le poids des corps. Ton bassin contre le mien. Eau qui propulse et jaillit. Tes courants se bousculent dans le bruit. Rien te résiste, tout obéit. Tu façonnes ton chemin dans la pierre. Tu emportes au large les cœurs amers. Une vague de réconfort, puis les ramène à bon port. Eau bleue, toi qui sublimes les étoiles, avec toi je déploie mes voiles. Eau bleue, je suis témoin de tes voeux, se fendent la mer et les cieux. C'est lui, tu reconstruis. En toi, pitié le désordre. En moi, ton mouvement s'accorde. Ton fluide répand l'équilibre. Il se filtre dans l'espace vide. Renaissant ici de la sécheresse. Selon ta promesse. À travers un miroir que j'ai créé, je ne perçois plus ta vérité. Sous mon regard, tu te brouilles, des millénaires de conscience rouillent, stagnant dans la boue, enrobant tout. Au bleu, toi qui sublimes les étoiles, avec toi je déploie mes voiles. Je suis témoin de tes voeux, se fendent la mer et les cieux. Au bleu, toi qui sublimes les étoiles, avec toi je déploie mes voiles. Au bleu, cosmos of the universe. From beneath the surface, lighting up the secrets of the sea. Reading notes of secrecy with thousand tentacles that never has from human eyes. Some people dream of it. Some people dream of it. They are really crazy. And others will sculpt their bad dream. A sculptor is calling his name. And world will not be the same. A lightning strikes the ocean, huge waves storm the ship, looking all the world of dark storm. A huge pyramid rises beside us, wall bounds in the distance. We don't know what to do. Thank you. Et sur un air de pluie. Mais heureusement, il n'y en a pas aujourd'hui. Non. Donc, c'était Eris Pluvia, leur nouvel album là, qui vient tout juste de sortir. Comme je disais, ben, on découvre ça ensemble. C'est très que, bon. Parce que j'ai eu ça, en fait, quand Michel est venu me porter ça là, juste avant souper. Et ce disque-là s'appelle Tales from Another Time. On a entendu la pièce Call of Cthulhu. C'est un drôle de titre. Ouais, ça ressemble à celui de Caravane. Hein. Je ne sais pas si c'est exactement le même orthographe. Là. C'est vrai, mais j'adore le son. C'est très, très bien. Très bon. Oui, c'est un bon groupe. Ouais. D'ailleurs, ils sont supposés de ressortir leur premier là, qui s'appelait Ring of Earthly Light là, avec des pièces bonus. Là. Michel m'apprenait ça. Mais en fait, je l'avais vu même sur Internet. Passé. Hein? Ouais. Mm-hmm. Et juste avant, ben, Jellyfish avec la belle voix de Syd Bédard. Un extrait d'un disque qui va paraître là, dans les prochaines semaines. Nous vous tiendrons au courant. Oui, puis ça a l'air très bon. Pense. Ben oui, il s'appelle Eau Bleue. Puis, juste avant, c'était Fabio Zuffanti, qui a toujours la tête pleine de projets, lui. Puis, et ça, c'est ça, bien, ça, d'avoir des projets. Ah, c'est un gars qu'on va revoir à Québec quand il va être là avec Finistère. Mais c'est un gars qui est en pleine possession de ses moyens. Il n'y a jamais rien qui ne va pas avec lui. Ah, non, c'est vraiment bon ce qu'il fait. C'est tout un génial. Là. Quand il y a un problème, il y a une solution. C'est ça, exact. Et ben, je pense là-dessus, on va aller aux publicités, puis après les pubs, ben, on revient. Et ben toi, Simon, tu nous quittes parce que... on a chaud demain. T'as une grosse journée demain. Ouais, hein, une grosse journée en perspective. Son check. Plus le voyage en Allemagne, ouais, ça va être une grosse semaine. Ben, on te souhaite bonne chance, puis on espère que ça va bien aller en Allemagne pour merci vous. Merci beaucoup, Jean-François, j'apprécie. 89.1 CKRL Québec. Le Radioton de CKRL fut couronné de succès grâce à votre dévouement et à la collaboration de nos partenaires de premier plan. La Caisse d'économie solidaire Desjardins, la Fabrique culturelle et Télé-Québec, la Caisse Desjardins de Limoilou, la mesure première ovation, la Commission de la capitale nationale et le restaurant Le Pied Bleu. Merci de favoriser l'émergence et la culture de Québec en écoutant CKRL. Du 6 au 14 avril prochain, vivez l'expérience du 32e Festival Québec BD. Présenté sous le thème « De la création à la rencontre », le Festival Québec BD vous offre une multitude d'expositions, de spectacles et d'activités aux quatre coins de la ville. C'est un rendez-vous avec le 9e art. Ben nous autres, on est de retour. Matt vous en a parlé lors de sa dernière émission. Il y a le Festival Les Intemporels au Centre culturel de Soignies. Et si vous êtes dans le secteur, ou si vous êtes belge vous-même, ou du moins européen, ou si vous avez le goût du voyage, ça se passe le 4 mai. Et c'est dans une très belle salle. D'ailleurs, les festivals progressistes là, avaient lieu, je pense que c'est la même salle, en tout cas c'est la même ville. Et c'est axé un petit peu sur le jazz, mais le jazz progressif. Il y avait le groupe Sidefire là, que Marc a fait jouer. Il y a Étienne Jaumet, mais il y a aussi Stéphane Galland and the Mystery of Kem. Puis ça, c'est le projet du batteur d'Akamoun. Et il y a Six Songes aussi. Donc, c'est une invitation. Ça se passe le 4 mai. Et il y a Progressis aussi qui renaît de ses cendres. Je parle du festival. Là, puis d'ailleurs, c'est déjà terminé parce que ça se passait ce soir. Mais comme ils ont 6 heures d'avance sur nous autres, c'est déjà chose du passé. Et en parlant du magazine, on a entendu plusieurs extraits. Mais le magazine comme tel, là-dedans, il parle de justement cette convention-là, 99. Il y a aussi, dans la section Antique Prog, il nous parle de Griffon. Moi, ce que j'ai trouvé que c'est un très bel article, mais la seule chose, c'est qu'ils font l'impasse sur Treason, qui est l'album le plus progressif sûrement de Griffon, mais Moi, je trouve que c'est un très bel album aussi. Je trouve ça un petit peu regrettable qu'il soit passé comme ça, là, en dessous du tapis. On le considère comme une valeur négligeable. C'est tant pis. Mais même le groupe lui-même, je pense qu'il n'en joue même pas des extraits, semble l'avoir plus ou moins renié. Tous les goûts sont dans la nature. Hein. On retrouve aussi dans les grands du prog de Flower King la deuxième partie de la rétrospective, parce que tous les albums sont parus dans deux coffrets. Donc c'est de ça qu'il est question ici. On parle aussi de IQ en interview. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est Louis Denis lui a fait c'est deux livres là, en français là, sur tout le prog italien. Il y a une interview également avec Warbler puis Holly Mushroom. Puis il y a tous les albums événements comme Bubu, on va sûrement en entendre d'autres extraits. Gösta Berling Saga qui est peut-être un petit peu mitigé. Moi, je l'aime quand même, ce dernier disque. Et ce qu'on pourrait peut-être qualifier de chef-d'œuvre, de musique populaire, disons. Richard Schoblum, Gunfly, Overhead, qu'on a entendu plus tôt, et The Tangent, qui a une couleur plus jazzy, mais que moi, je trouve très bon aussi. Donc, il y a tout ça dans le numéro 95 du magazine Progressiste. Vous avez juste à faire une petite recherche, les conditions d'abonnement, je pense qu'elles sont assez faciles aussi. Et il y a toute la musique qui vient avec, dont les CD. En musique maintenant, on y va avec un groupe, un vieux groupe italien qui a décidé de remettre ça là, en 2019 avec un album qui s'appelle Eden, je parle du groupe Dalton. Et on va en entendre un extrait à l'instant qui s'appelle Giardino degli Eden. Thank you. riva dell'uccello, bere l'acqua di quell'uccello, là dove l'acqua è limpida e chiara, senza peccato. amanhecer e começar de um dia puro como o ar. Vida lenta, destino. Ainda me resta lugar. Sei que quando o sol partir, vai me levar. We'll be right back. Et ça, c'est le groupe Dizzy Mystic, c'est leur premier album. Et imaginez-vous donc, Dizzy Mystic, ben, ça vient de Winnipeg. Qui aurait cru que dans l'Ouest canadien, on trouverait de la musique progressive? Eh bien, c'est bien le cas. Et bon, ce disque-là, ça sort le 3 mai, donc c'est une primeur, c'est un premier album pour eux autres. Et on dit que c'est pour les fans de Tools, Primus, Frank Zappa, Steely Dan, Yes, Pink Floyd. Moi, je trouve que c'est plus un mélange du très, très bon groupe Is, le groupe de New York, et un autre groupe américain qui s'appelle Bubble Matt. Je trouve que ça ressemble pas mal. C'est assez représentatif, là, la pièce qu'on vient d'entendre. Le disque s'appelle Wanderlust. On a entendu la pièce Philosophy. Et ben c'est très bon quand ça va sortir. D'ailleurs, on va en remettre, c'est sûr. Et juste avant, c'était un groupe, c'est de l'Argentine, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, on vous l'a déjà présenté, là, c'est Caravella Escarlate. C'est un album éponyme et je vous fais grâce du titre. Juste avant, c'était Lucy in Blue de la Norvège avec un album qui s'appelle In Flight. On a entendu la pièce Matricide et on avait débuté ça en beauté avec le groupe italien Dalton et leur album Eden. Donc, restez à l'écoute pour l'autoroute avec Stéphane Villeneuve. Et moi, ben, je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. CKRL. Communication. Culture. En avril, voyez au Cinéma Le Clap de Sainte-Foy et Loretteville Shazam dès le 4 avril, Mia et le Lion Blanc dès le 12, Tanguy Le Retour le 19 avril, Avengers Phase Finale dès le 26 avril. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma!